أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من كنا تكلمنا عن أهمية الاستنجاء، كيف يستنجي بالماء وبمسح، كذلك بشروط، ونأكد أن الإنسان مهم يقضي الحاجة جالس حتى لا يلوث، والطهارة شيء مهم في الدين. Donc on a parlé de l'istinja et comment faire et les conditions ou avec de l'eau ou s'essuyer avec quelque chose qui est capable d'ôter avec les conditions trois fois plus la samrat ou akthar. Et then كذلك الاستبراء نتكلم عن الاستبراء. استبراء يعني انه يخرج ما بقي، يسن أن يخرج ما بقي ينتظر أو يتنحنح حتى يخرج ما بقي. لماذا؟ حتى ما يكونش يعني حذرا أن لا يخرج من بعد. إذا يعرف أنه سيخرج له من بعد عندما يعطس أو من عندما عند السعال أو عند الحركة، وجب فعل الاستبراء، هذا أن يخرج ما بقي. حتى يتأكد في الآخر بعد ما ينقطع يزيد يتأكد شيء من الحركة حتى يخرج ما بقي. Donc il y a ce qu'on appelle l'estibra, c'est de s'assurer en fait de à la fin d'avoir fait ses besoins comme uriner, il fait sortir ce qui reste en fait en faisant des mouvements ou en faisant par exemple un raclement de gorge pour appuyer sur la vessie pour faire sortir ce qui reste. Ça c'est recommandé de faire sortir cela, mais s'il sait que ça risque de sortir après, là il doit faire cela, ses bras, pour que ça sorte vraiment. Ça sort vraiment. Et then فائدة، قال في كتاب مواهب الجليل شرح مختصر خليل للشيخ حطاب المالكي يقول ينبغي الإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه. شو يقول لك؟ إذا الإنسان يقضي حاجته يعتبر. قال هذا عالم كبير معروف الحطاب المالكي، قال ما بما خرج منه كيف صار حاله، فإنه كان طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري، فبمجرد مخالطته للآدمي تقذر وصار نجسا يهرب منه ويعافه، وكذلك كل ما يخالطه الآدمي من الثياب النظيفة والروائح الطيبة عن قليل يتقذر ويعافه، ويتنبه من ذلك إلى أنه يحذر من مخالطة من لا ينفعه في دينه لأنه يخاف عليه آثار الخلطة. خالطش أي واحد يقول لك، ولأنه إذا خالطه أحد من المسلمين أن يغير أحدا منهم بسبب خلطته كما يغير كل ما خالطه من الطعام وغيره، ويتنبه أيضا إلى أنه لابد أن يرجع هو كذلك، لأنه إذا دفن أكله الدود ثم يرميه من جوفه قذرا منتنا، إلا أن ثم قوما لا يأكلهم الدود وهم الأنبياء والعلماء العاملون والشهداء، شهداء المعركة، المؤذنون المحتسبون. قال فالدرجة الأولى لا سبيل إليها، أنبياء لا سبيل إليه، فيجتهد في تحصيل إحدى الدرجات الثلاث الباقية. إذن هكذا إنسان يعني ينتبه. دونك دون لو ليفغ مواهب الجليل شرح مختصر خليل d'un grand cheikh qui s'appelle Cheikh Hattab al-Maliki, il dit, il convient à la personne, quand elle fait ce besoin, qu'elle tire des leçons de ce qui est sorti d'elle, comment et c'est devenu. Avant, c'était quelque chose de très bon et qui avait de la valeur et qu'on se bousculait pour l'acheter. Et du fait qu'il a été utilisé par l'être humain, et il est devenu donc répugnant, impur, et on s'éloigne, on s'en détourne. Et toute chose qui est utilisée donc par l'être humain comme vêtements propres et bonnes odeurs, sous peu, ça devient répugnant et on s'en éloigne. Et il prend garde aussi de ne pas fréquenter la personne qui ne lui est pas utile dans sa religion, parce que ça va avoir des effets néfastes sur lui, tout comme la chose qui est utilisée par l'être humain comme nourriture ou autre. Donc bien sûr ça ne parle pas des prophètes et des gens bien, bien sûr. Et il a dit qu'il prend garde aussi que lui aussi il sera ainsi. Quand il sera mort, il sera enterré, les vers le mangent, un psyte le rejette. Répugnant. Excepté des gens qui ne seront pas mangés par les vers, qui ce sont les prophètes et les savants qui œuvrent pour la religion et les martyrs de combat. Et il a dit, ceux qui font l'adhan en cherchant l'agrément de Dieu. Il a dit, premier degré, il n'y a pas moyen d'y arriver. Bien sûr, c'est les prophètes, il n'y a pas moyen. Alors qu'il essaye, il fait des efforts pour arriver aux autres degrés. Donc c'est une remarque qu'il a mis ici, qui est très importante. ورد في الحديث كذلك الذي رواه أبو داود. الإنسان ينتبه، هو لأنه حتى عندما يقضي الحاجة الإنسان يعتبر même quelqu'un qui fait ses besoins il prend des leçons en réalité. Il dit regarde, même les rois tout ça ils avaient besoin de faire les besoins. حتى الملوك كذا يحتاجون. معنى هذا يبين لك أن الدنيا الإنسان لا يتعلق بالدنيا. C'est-à-dire que la personne ne s'attache pas à cette vie, c'est passager, éphémère, en fait. فائدة في الحديث الذي رواه أبو داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. معناه إن تقوا من تتخذونه خليلا أي صديقا فمن كان ينفعكم في دينكم فعليكم بمصادقته، ومن كان لا ينفعكم في دينكم بل يضركم فابتعدوا منه ولا تصادقوه. وليعلم أن الله تعالى ابتلى البشر بثلاثة أشياء: شياطين الجن وهو النفس وشياطين الإنس. Donc dans un hadith rapporté par Abu Daoud, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. C'est-à-dire la personne suit les comportements de son compagnon. Donc faire attention de qui la personne prend comme compagnon. C'est-à-dire, faites attention de qui vous prenez comme ami. Celui qui va être utile pour vous dans votre religion, alors prenez-le comme ami. Et celui qui ne vous est pas utile, Mais il va être nuisible pour vous. Alors, éloignez-vous-en et ne le prenez pas comme ami. Et il a dit qu'on sache que Allah a éprouvé l'être humain par trois. Les shaitans des djinns, le mauvais penchant de l'âme et les shaitans des humains. ثم إن الجمع بين الماء والحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما أحسن يعمل استنجاء بالورق أو الحجر بعد يزيد الماء هذا الأحسن donc le mieux c'est de faire l'istinja avec le papier ou les pierres ensuite de rajouter l'eau c'est le mieux papier d'abord après l'eau parce qu'avec le papier tout ça ça enlève le volume après l'eau ça enlève les traces لأنه الورق ينحي العين ثم الماء ينحي الأثر والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر dans l'ordre après cela c'est si l'eau tout seul après la pierre إذن الاقتصار على بعد الاقتصار على الحجر على الماء في الأول إذا أحسن هو الماء والحجر بعد الحجر أو الورق يعني بعد الماء وبعد أنه يفعل الماء أفضل من يفعل المسح donc essuyer et rajouter l'eau c'est mieux ensuite l'eau c'est mieux que juste essuyer وكثير من السلف كانوا يقتصرون على الحجر لقلة وجود الماء بينهم في ذلك الوقت. À l'époque des salaf, ils faisaient beaucoup la pierre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. En fait, à leur époque, il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que l'eau, il faut la chercher, etc. C'est pas comme maintenant, l'eau, c'est accessible facilement. Donc c'est mieux essuyer après l'eau, sinon juste l'eau. Sinon, bon, là, essuyer, c'est valable aussi avec les conditions qu'on a citées. Et là, هذا عن الاستنجاء. إذا قلنا نحن نعيد ماذا قلنا قال والاستبراء هو إخراج بقية البول بعد انقطاعه ويكون واجبا في حال وسنة في حال استبراء c'est sortir ce qui reste comme urine après qu'elle s'est arrêtée de essayer de faire sortir ce qui reste après qu'elle s'est arrêtée des fois c'est recommandé des fois c'est obligatoire alors c'est quoi le cas que c'est obligatoire يكون واجبا إذا كان يخشى من ترك تلويث نفسه وثوبه بالبول إذا لا يفعل الاستبراء يخشى من بعد إذا تنحنح أو ركع أو سجد يخرج بالحركة باقي البول هنا واجب عليه أن يفعل الاستبراء ويكون سنة إذا كان لا يخشى من ترك تلويث نفسه بالبول أي كان لا يخشى نزوله بتنحنح أو نحوه donc c'est obligatoire s'il craint que après le reste de l'urine il va sortir en réclant sa gorge ou en toussant ou en faisant des mouvements. Il craint que ça va sortir. Là, il doit faire l'estébra. L'estébra, c'est quoi on a dit ? C'est faire sortir l'urine après que c'est arrêté, le faire sortir le reste. Ça s'est arrêté, mais essayer de faire sortir ce qui reste dans le canal. Et c'est recommandé s'il ne craint pas. Après que ça sorte, c'est recommandé comment de le faire. Mais s'il craint que ça va sortir après, ça devient obligatoire de le faire. Il fait sortir ce qui reste en faisant des mouvements, en fait. Quand il fait ça s'est arrêté, il fait encore des mouvements ou des raclements de gorge pour faire sortir le reste. Un qata'a, il zid ya tanahna hatta yakhruj al-baqi. Yajib idha kan yakhsha min ba'd an yakhruj hadha al-baqi wa yusanna idha kan la yakhsha an yakhruj. Donc c'est obligatoire s'il craint que ça va sortir après le reste, s'il craint pas, c'est recommandé de faire quand même. إذن فائدة كان البول في شرع من قبلنا أمره شديد إذن ورد في الحديث إذن قال عليه الصلاة والسلام استنزه من البول فإن بني إسرائيل كان إذا أصابهم البول يقطعونه بالمقراض يعني البول كانوا يقصوا هذا الثوب بالمقراض إذا كان أصابها ما الآن في شرع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يطهر بالغسل لأنه قلنا هنا بنو إسرائيل معناه المسلمون أتباع الأنبياء بنو إسرائيل كان فيها مسلمين العرب كان فيها مسلمين كفار وبنو إسرائيل كان فيها مسلمون وكان كفار أتباع الأنبياء على حق مسلمون أتباع موسى على حق مسلمون أما الذين كفروا نسبوا الله الإبن وكفروا بعيسى وكذا هذا الكفار أتباع عيسى يعني الذين هم حقا اتباع حق الاتباع هؤلاء مسلمون بالطبع Donc il a dit, le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, ce qui signifie, préservez-vous, faites attention de l'urine, ne pas souiller avec l'urine. Il a dit, certes, fils d'Israël, quand ça leur éteint, quand ça les atteignait, ils coupaient avec les ciseaux, ils coupaient le bout de vêtement avec les ciseaux. Ici, bien sûr, on a dit, fils d'Israël, c'est-à-dire les musulmans. Donc chez les fils d'Israël, il y avait des musulmans et des mécréants. Comme chez les Arabes, il y avait des musulmans et des mécréants. Fils d'Israël, les musulmans, ceux qui suivent les prophètes. Ceux qui suivent les prophètes correctement, suivaient Moussa correctement, ceux-là, c'est des musulmans. Mais ceux qui ont attribué à Dieu le Fils, ils ont démenti Isa, ils ont démenti les prophètes, etc., c'est des mécréants. Et donc, هذا من عن الغسل عن الاستنجاء الغسل تكلمنا عنه إذن نزيد الكلام عنه في خير يعني من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل والذي يجيب خمسة أشياء خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. Donc parmi les conditions de la prière, la purification du hadath, du grand hadath, avec le ghusl ou tayammum pour celui qui ne peut pas faire le ghusl. Donc on avait déjà vu sur le ghusl, mais c'est bien de revoir. Alors, est-ce qui rend obligatoire le ghusl? Cinq choses. La sortie du mani. Le rapport conjugal, la fin des menstrues, la fin des logis et la naissance, l'accouchement. Et bien, le. رأينا نحن يعني الغسل هو واجب للصلاة. On a vu que c'est obligatoire pour la prière. إذن علامات هناك علامات يعني هناك المذي والودي هذا لا يوجب الغسل المذي والودي هذا الاستنجاء المذي والودي يخرج حين الإنسان تعب يخرج أو عند ثوران الشهوة يخرج مذي وهذا لا يوجب الغسل لأن الغسل يوجب خروج المني وله علامات المني وعلامة المنية التي يعرف بها ثلاث أحدها التدفق والانسباب بشدة شيئا فشيئا وثانيها التلذذ بخروجه بحيث يعقب فتور الشهوة وليس المراد مجرد اللذة بل اللذة التي يعقبها انكسار الشهوة وثالثها ريح طلع النخل أو العجين في حال الرطوبة وريح بياض البيض بعد الجفاف وهي علامات مشتركة بين الرجال والنساء حتى يعرف متى يجب الغسل متى لا يجب المذي والمذي المذي والودي يوجب الاستنجاء فقط لا يوجب الغسل أما المني بهذه العلامات donc il y a le مذي et le ودي qui sortent quand quelqu'un est fatigué ou quand il y a un fort désir ça peut sortir ça rend pas obligatoire la grande ablution c'est juste il se nettoie comme l'urine le مني ça rend obligatoire le مني c'est sorti avec il y a des caractéristiques l'odeur du blanc d'œuf à l'état sec et de la pâte à levain à l'état humide la sortie avec coup, avec effusion, le plaisir à sa sortie, de sorte qu'il y a, ils ont, et, il y a plus de plaisir après. C'est le plaisir qui est qui suit le non désir après. Ça, c'est ça, et c'est ces caractéristiques qui sont chez les hommes, chez les femmes. C'est ça qui rend obligatoire. Alors que le madi et le wadi qui sortent quand quelqu'un, ça peut avoir une poussée de désir ou quand il est fatigué, là,